mensonges, ils le connaissent, ils en font tout un arsenal. Mais dis-moi, qui se soucie de l'identité nationale? Rien dans l'assiette ou dans les poches, et qu'est-ce qui les préoccupe? La grippe le voit, les immigrés, mais les pauvres on les occulte. Ils font tout pour accentuer le communautarisme. On laisse le pays à des haineux et les communautarés. S'il faut les laisser nous guider, je préfère qu'on vive en autarcie. La France se barre tellement en couche, je préférerais vivre en Antarctique. Mais je poserai mes pieds nulle part, car ces putains de glaciers fondent. Voilà grosso modo la direction que prend ce monde. Ce type est si petit, pourtant il veut faire partie des grands de ce monde. Mais pour ça il ne suffit pas d'un yacht ou d'une grosse montre. Ce monde est infesté de gens abominables, fiers de leur pouvoir et de leur sacre minable. Ils ont les clés du paradis, mais les gardent pour eux-mêmes. Au pays des enculés, les mythos sont couronnés. Un jour viendra où le peuple se vengera. C'est bientôt l'heure de la révolution. Un jour, dis-moi, est-ce que ce monde changera?